que tu crois? Et qu'est-ce que tu crois? Et qu'est-ce que tu crois? L'amour ce n'est pas un jeu où l'on doit s'amuser comme ça. Et qu'est-ce que tu crois? Malgré tout cela,